Okay, Yellow Gaza, beautiful girl. Sef jadi ki de sazo a konet. Badon concept. Straight vibes production. Let's go. Nou pa parfait, mais ya sala. Tous les samedis squad bouillon nous ka kante ça. Pas ni limite la yellow zone même sav ça. Jelon nous sale, nous ka assimé ça. Attends, mou ka chaka riban moi, un peu magie. Yellow ka vrai ka vin. Dès qu'il lochen ka pon en kou a itire balay yon figi a ibe montre moi. Inifini, sacré négro fragile. Ka gade mon bac la si c'est qui ban moi, pas ni love bay. Allez là, pas ni temps, c'est yé qui prend, prend. Pas ni temps, parler tout ça, c'était avant, avant. Allez là, pas ni temps, c'est yé qui prend, prend, prend. Prend kiki, yo ka dou, c'est ça qui bon, bon, bon, c'est ça qui bon. C'est ça qui bon, bon, bon. Bon, bon, bon, c'est ça qui bon. Bon, bon, bon, c'est ça qui bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Pas ni t'en fait l'amour. C'est couché au des coups. Trop palé, trop calé. Ouais, qu'a crié moins doudou. Qu'a couillonné nous chaque coup. Yellow Gaza. Ou j'ai connaître. C'est volé, coquet, jeté et c'est tout. Allez là, pas ni t'en, c'est y'a qui prend, prend. Pas ni t'en parler, tout ça c'était avant, avant. Allez là. C'est rien qui prend, prend, prend. Prend kiki, yo kadou, c'est ça qui bon, bon, bon. C'est ça qui bon, bon, bon, bon. C'est ça qui bon, bon, bon. Bon, bon, bon, c'est ça qui bon, bon. Bon, bon, c'est ça qui bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Nous kassime, nous kaprende, puis c'est coquet, nous ni tant. On t'y souce, sans les deux, mais elle veut nous pas ni sentiment. Ici Panam, qui si grand qu'en faut nous qu'est goûter. Y'a tout gens pas faire qu'on si ou pas comprendre. Couchez mon frère. Souka ban moi, ban moi. Pas gaspiller, ban moi. Pas faire chichi, voyez monter en jassise en l'air. Pas paniquer en ni physique, quand j'ai qu'à filmer gros joint. Ou payer blague et aller, boy. Vantant moi, j'appelais. Eh ben, zo à connaître Yellow Gaza. Beautiful girl, Sef Jadi. Street Bike Production. Sakabay. Bouge. Bouge. Bouge. Cherche. Cherche.